Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de peine? Tout le monde baigne dans les problèmes de vivre en à la flemme. Je vois le monde partir de travers et personne ne s'en soucie, c'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé? En quelques années, tout a changé. Reprends la tête, battons-nous et ça changera peut-être. Tous déçus, tout ça battu pour une teupe, une histoire de neutu. Je vois des meufs enlever le sourire de mes frères. Je vois les keufs enlever l'avenir de mes frères. On demeure impuissant, on aimerait bien avoir la solution. La vie de rêve, ce n'est en fait qu'un rêve. La femme parfaite, c'est que des histoires dans nos têtes. Le coup parfait, impossible à réaliser. On a tous envie d'être posé, au soleil se reposer. Mais y'a pas d'issue de secours, alors vers les problèmes en cours. Vers les problèmes en cours, vers les problèmes en cours. Vers les problèmes en cours, ouais, ouais. Ce qu'on veut, trouver celle qui nous donnera des enfants. Celle avec qui on signera pour longtemps. J'ai l'impression que c'est pas prêt d'arriver. J'ai l'impression que je vois les années défiler. C'est pas demain la veille, on sera bien au réveil. Pourtant Dieu sait si on le veut, Dieu sait si on le veut, Dieu sait si on le veut. On veut se ranger comme un dossier classé. Avoir une vie de famille, oublier les soucis. Pour l'instant c'est pas ça, dans nos vies c'est le bazar. Et dismiss et lycée au pas là par hasard. On veut se ranger comme un dossier classé. Avoir une vie de famille, oublier les soucis. Pour l'instant c'est pas ça, dans nos vies c'est le bazar. Mais dismiss c'est lycée au pas là par hasard. Jusqu'au 57, 490, c'est la haine comme le dit mais dismiss. Ici ça sent pas la rose, mais plutôt la pisse. On rêve d'un monde qu'on ose, reste épice. En attendant on esquive la justice. Qui sur notre salaire font perquise. La Moselle veut percer, s'il faut on le fera à 10. On a trop de soucis, alors il faut qu'on le dise. Peu de gens nous apprécient et beaucoup trop nous méprisent. Alors on s'alcoolise, on fout les doigts dans la prise. Dans les poches plus d'euros, mec, c'est la crise. J'arrive plus le chanter, toc toc, je le crie. Trop de délits de faciès, toc toc, je l'écris. Jamais donner ses fesses, ça, on me l'a appris. Mon mic faisait sa sieste, toc toc, je l'ai pris. Si si, ça vient de l'Est, nos vécus n'ont pas de prix. On veut se ranger, comme un dossier classé. Avoir une vie de famille, oublier les soucis. Pour l'instant c'est pas ça, dans nos vies c'est le bazar. Mais dismiss c'est lycée au pas là par hasard. On veut se ranger comme un dossier classé. Avoir une vie de famille, oublier les soucis. Pour l'instant c'est pas ça, dans nos vies c'est le bazar. Mais dismiss c'est lycée au pas là par hasard. On cherche tout simplement le bonheur sans avoir à perdre notre honneur. Au fond on sait même pas ce que c'est. Pourtant pour l'avoir qu'est-ce qu'on fait. En attendant faut relativiser, se dire qu'ailleurs nos problèmes feraient marrer. Quand on y pense c'est vrai, être à notre place d'autres en rêverait. Ceux pour qui la vie n'a jamais souri, ceux pour qui la vie est une tragédie. Ceux qu'on traite de vivre dans ces pays oubliés, où on lutte pour manger, où on tente de s'évader, où on est encore capable d'apprécier le bonheur des choses simples que nous avons oubliées. Face à cela nos problèmes sont rien, alors gardons espoir pour demain. Si j'avais pas la foi j'aurais lâché plus d'une fois, mais grâce à Dieu j'avance en espérant mieux, en espérant mieux. Si si on espère tous mieux, on espère tous mieux. On espère tous mieux, réussir être heureux, pas finir triste et seul, une fois vieux. Squatter paradis, sympathiser avec Dieu, sortir de l'enfer, sortir de son feu. En attendant en paix, comme on peut, ouais, en attendant en paix, comme on peut, ouais, ouais. Initier ou médismus, car on sait ce que l'on veut, ouais, on sait ce que l'on veut. On veut se ranger, comme un dossier classé. Avoir une vie de famille, oublier les soucis. Pour l'instant c'est pas ça, dans nos vies c'est le bazar. Mais dismiss c'est lycée au pas là par hasard. On veut se ranger comme un dossier classé. Avoir une vie de famille, oublier les soucis. Pour l'instant c'est pas ça, dans nos vies c'est le bazar. Mais dismiss c'est lycée au pas là par hasard.